يتنازعون فيها كأسا لا لغ فيها ولا تأثيم. Là, ils se passeront les uns les autres une coupe qui ne provoquera ni vanité ni incrimination. وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ. Et parmi eux circuleront des garçons à leur service, pareils à des perles bien conservées. وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ. Et ils se tourneront les uns vers les autres, s'interrogeant. قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ. Ils diront, nous vivions au milieu des nôtres dans la crainte d'Allah. فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ. Puis Allah nous a favorisés et protégés du châtiment de Samoum. إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ. Antérieurement, nous l'invoquions. C'est lui, certes, le charitable, le très miséricordieux. فَذَكِّرْ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونٍ. Rappelle donc et par la grâce de ton Seigneur, tu n'es ni un devin, ni un possédé. أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونِ. Ou bien ils disent, c'est un poète, attendons pour lui le coup de la mort. Dis, attendez, je suis avec vous parmi ceux qui attendent. أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلَامُهُمْ بِهَذَا أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ. Est-ce leur raison qui leur commande cela, ou sont-ils des gens outranciers? أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ بَلْ لَا يُؤْمِنُونَ. Ou bien ils disent, il l'a inventé lui-même. Non, mais ils ne croient pas. فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ. Eh bien qu'ils produisent un récit pareil à lui, le Coran, s'ils sont véridiques. أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ. Ont-ils été créés à partir de rien ou sont-ils eux les créateurs? أَمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بَلْ لَا يُوقِنُونَ. Ou ont-ils créé les cieux et la terre? Mais ils n'ont plutôt aucune conviction. أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ الْمُسَيْطِرُونَ. Possèdent-ils les trésors de ton Seigneur? Ou sont-ils, eux, les maîtres souverains? أَمْ لَهُمْ سُلَّمٌ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ. Ont-ils une échelle d'où ils écoutent? Que celui des leurs qui reste à l'écoute apporte une preuve évidente. أَمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمُ الْبَنُونَ. Allah aurait-il les filles tandis que vous, les fils? أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ. Ou leur demandes-tu un salaire, de sorte qu'ils soient grevés d'une lourde dette? أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ.